Bien amor. Zahar. Cotorrey. Bamako Modibo Nyanson Traoré Martin Silla Udem Tegarbe Florentin Duarte. Allons à la gare. Autorail, autorail, autorail, autorail. Cheminot, cheminot, cheminot, autorail.